Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 67. De la distinction elle-même ou de l'œuvre du premier jour. Qu'est-ce que la lumière? Elle est l'œuvre du premier jour. 1. Le mot lumière s'applique-t-il proprement aux êtres spirituels? En remontant à la première signification du mot « lumière », on trouve qu'il désigne ce qui éclaire l'organe de la vue, et qu'il ne se dit que figurément des choses spirituelles. Mais, comme l'usage l'applique à tout ce qui se manifeste à notre esprit, il peut également signifier au propre les êtres spirituels. « Tout ce qui se manifeste, dit saint Paul, est lumière. » Éphésiens 5, 13. 2. La lumière est-elle un corps? La lumière n'est pas un corps, et voici pourquoi. Premièrement, la lumière existe simultanément avec l'air dans le même lieu. Or, deux corps ne sont jamais dans le même lieu en même temps. Deuxièmement, quand la lumière se répand de l'Orient à l'Occident, l'illumination paraît instantanée sur tous les points, aussitôt, en effet, que le soleil se montre, il éclaire tout l'hémisphère jusqu'à l'extrémité opposée. Troisièmement, si la lumière était un corps, certes il y aurait lieu de demander de quelle matière serait ce corps qui est assez grand pour remplir chaque jour tout notre hémisphère. Note. La lumière n'est pas un corps pondérable, mais elle est un corps fluide dont la propagation se fait en ligne droite avec la rapidité de 32,000 myriamètres, 10 000 mètres, à la seconde. Descartes en fait un fluide répandu dans l'univers et mis en mouvement par l'action du soleil. Newton l'a fait consister dans une émanation intarissable des rayons solaires. Ce dernier sentiment est plus conforme à celui de saint Thomas, qui la regarde comme une qualité active de cet astre. Fin de la note. 3. La lumière est-elle une qualité? La lumière est une qualité active de la substance du soleil et des autres corps lumineux, comme la chaleur est une qualité active du feu. Note. Chaque molécule de matière possède une certaine quantité de lumière, de chaleur et d'électricité qui lui est propre. La lumière est partout, quoiqu'elle ne brille pas toujours. Un léger choc, comme le dit Fraissinou, la fait jaillir des veines du caillou. Les phénomènes phosphoriques la montrent dans les minéraux et dans les êtres vivants. Fin de la note. 4. La création de la lumière est-elle bien placée au premier jour? L'ordre naturel exigeait que la lumière fût produite la première. D'abord, les jours ne pouvaient pas exister sans elle. En second lieu, elle devait manifester toutes les autres œuvres. Note. La lumière primitive était la lumière même du soleil, à l'état informe, elle devint ensuite le soleil lui-même avec une puissance spéciale et déterminée pour produire certains effets. C'est pour cela que la distinction du jour et de la nuit est simplement mentionnée au premier jour, tandis qu'au quatrième l'écrivain sacré nous parle de la diversité des jours, des temps et des années, à l'occasion des luminaires du firmament. Dans le principe la lumière et les ténèbres se succédaient en vertu d'un mouvement commun à tout le ciel, et c'était de ce mouvement général que résultait le jour et la nuit. La lumière était dans un hémisphère et l'obscurité dans un autre, ce qui est exprimé par ces mots, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Pour saint Augustin, la lumière, dans ce passage de la Genèse, signifie la nature angélique, dont la production n'a pas dû être omise dans la cosmogonie de Moïse. Selon lui, la créature spirituelle, qui est plus noble que la créature corporelle, a dû être formée la première, et sa formation est exprimée par la production de la lumière. Les autres pères estiment que Moïse a réellement omis la création des anges, et ils expliquent diversement son silence. Les uns disent qu'il prend le commencement de sa narration à l'origine des choses sensibles, et que les anges avaient été créés auparavant. Les autres pensent qu'il craignait de porter les Israélites à l'idolâtrie en leur parlant de substances qu'ils auraient pu prendre pour des dieux. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.